asphalte exubérance. Tu sais, je vois, plus rien n'a d'importance. Tu sais, je crois qu'on pourrait se plaire et ne pense plus qu'on pourrait se perdre. Porte ouverte à tous, ce qui est en nous, à l'amour en piste, tenir des propos, frapper d'idéaux, ça se bouscule au comptoir, au fond de nos verres d'espoir. La nuit appartient à celui qui la paie, la nuit n'appartient qu'à ceux qui se prennent. Qui voit le beau devient funambule, plein de poudre aux yeux pour les noctambules. Allez, au-delà de la nuit, violence tralala, trucidé l'ennui. Je ne voyais qu'elle, je ne voyais que lui. Trio qui s'emmêle, se montre à l'envie. Éclater, paupières cernées, regard équivoque sur la belle époque. La mythologie, une légende urbaine, s'étire sur la nuit, s'écoule dans nos veines. Tout abandonné, je voudrais te prendre, tout se pardonner, je voudrais me rendre. Nous sommes tous des artistes, tous des jusqu'au boutistes. Et puis bien after. La nuit, cet anarchiste, allez au-delà.